La lutte contre le cancer est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Grâce à une stratégie unique en France, la Fondation ARC initie et développe des voies de recherche révolutionnaires sur le cancer. En donnant les moyens aux chercheurs de trouver de nouvelles avancées majeures, nous pouvons sauver plus de vies. Dans ce combat, chaque geste compte. Soutenez la recherche sur le cancer. Faites un don à la Fondation ARC et réduisez votre impôt sur ifi.fondation-arc.org. La science CQFD, Natacha Trioux. Entre un beluga, un chat, un ornithorynque, une chauve-souris et vous, il y a un dénominateur commun. Nous sommes tous des mammifères. Qu'est-ce qui rend notre génome d'Homo sapiens si unique ? C'est la plus grande collection de séquences génétiques de mammifères au monde. Le Zoonomia Project vient de constituer une banque de séquences de 240 espèces de mammifères. Mais pourquoi étudier leur ADN ? Parce que cette gigantesque base de données contient des clés pour comprendre l'histoire évolutive de notre espèce, mais aussi pour éclairer les principes de régulation de notre ADN qui peuvent faire lumière sur certaines maladies. Zoonomia, faire sauter la banque génomique. Déborah Bourquis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM, chef de l'équipe décision épigénétique et reproduction chez les mammifères à l'Institut Curie. Nous sommes en ligne avec Steven Gazal, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes professeur en génétique adjoint au Centre d'épidémiologie génétique du département des sciences de la santé publique et des populations à l'Université de Caroline du Sud. Merci de participer avec nous en ce direct de France Culture et puis merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter chaque jour pour notre live tweet où nous postons toutes les sources qui ont nourri cette émission. C'est dès maintenant @sciencesCQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de ce que peut nous apprendre les génomes d'autres mammifères, en les comparant aux nôtres, de comment étudier cet ADN de mammifères et des éventuelles applications de ce séquençage. Pour commencer, cette gigantesque base de données de 240 génomes intervient plus de 20 ans après le séquençage complet du génome humain. C'est notre archive du jour. On peut comparer ça à une espèce d'énorme livre gigantesque d'à peu près 20 000 chapitres. Chacun de ces chapitres est dans l'ordre. Et puis ensuite, à l'intérieur d'un chapitre, il y a des paragraphes. Et les paragraphes, par contre, eux, ne sont pas encore dans l'ordre. On comprend des bribes de sens, on comprend certains mots, on comprend certaines phrases, mais on ne comprend pas tout. Et c'est certainement là que se situe le gros prochain objectif, qui est de connaître la fonction des quelques dizaines de milliers de gènes que nous avons. C'est la façon la plus efficace de mettre des gènes en évidence, surtout lorsque la génétique indique une région déterminée dans laquelle se trouve un gène prédisposant à une maladie ou responsable d'une maladie. Et jusqu'à présent, on a utilisé cette approche génétique pour identifier des gènes responsables de maladies génétiques. Et on était très handicapé par l'absence d'une séquence. Et la séquence est précisément la méthode la plus efficace pour arriver à identifier ces gènes. Voilà, Jean Wessenbach, en 2000, directeur du génoscope d'Ivry, pour parler de ce séquençage du génome humain. Déborah Bourquis, 20 ans plus tard, il y a toujours des zones d'ombre à ce sujet. Oui, notamment les séquences répétées qu'on a eu beaucoup de mal à atteindre jusqu'à récemment, en fait, avec une complémentation de séquences de petite taille qu'on a fait traditionnellement. Maintenant, on a accès aussi à des séquences de grande taille qui permettent de reconstruire au mieux les génomes et d'avoir accès à toutes ces portions de génome qui étaient ignorées, mais qui sont répétées, qui ont aussi des fonctions à jouer dans la régulation de nos gènes et de nos phénotypes. Steven Gazal, vous aussi, en réaction à cette archive. Oui, déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un extrait qui a pas trop vieilli, puisqu'on pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui. On peut dire qu'il y a énormément de parts de zones d'ombre dans l'analyse du génome humain. Il y a beaucoup de régions, donc on ne comprend pas du tout à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Et donc, excusez-moi. Ah, Steven Gazal, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Oui, si, si, si, vous êtes là. Oui, je suis là, je suis avec vous, excusez-moi. J'en ai un petit peu perdu mes mots, excusez-moi. Oui, donc il y a toujours des zones d'ombre sur ce génome humain. Donc il y a 20 ans, on a séquencé un génome humain. Aujourd'hui, on en a littéralement plus de millions. Toujours des zones d'ombre existent. Et donc là, on en fait, plutôt que d'augmenter le nombre de séquences de génome humain qu'on a généré, On essaie de diversifier un petit peu ça, donc ce projet Zoonomia qui a voulu séquencer le génome de plusieurs mammifères pour comprendre un petit peu mieux le génome humain. Et plus particulièrement, puisque l'un des plus gros problèmes en génomique, c'est que les humains ont un très gros génome, et nous ne savons pas ce que tout cela fait. Déborah Bourqui, en quoi l'étude de l'ADN des mammifères peut nous renseigner sur le fonctionnement de notre génome ? En cherchant des traits communs au niveau génétique. Donc si on a une ultra-conservation, ça veut dire que c'est un mécanisme qui est conservé chez tous les mammifères et qui peut donner lieu à des traits identiques. La placentation, je pense, la lactation, par exemple, qui sont les traits définitifs de définition des mammifères. Et puis chercher des différences aussi, ça permet de comprendre les adaptations qu'il peut y avoir. Donc certaines espèces de mammifères sont résistantes de manière innée au cancer, par exemple. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans leur ADN ? Qu'est-ce qui a évolué ? Certains, pour une chose plus anecdotique, certains mammifères ont des queues, d'autres n'en ont pas. Voilà. Qu'est-ce qui a aussi changé, qu'on ait perdu ou gagné une queue ? Donc ça peut partir de l'anecdotique jusqu'au plus fondamental en termes de maladie, de pouvoir comprendre, comparer ces génomes, voir ce qui est conservé et unique en matière d'innovation des mammifères. Steven Gazal ? Oui. Sur l'importance justement d'étudier l'ADN des mammifères pour nous renseigner sur notre propre génome. Oui, et bien... Moi, ce qu'il y a d'incroyable avec ce projet Zoonomia, c'est à quel point les applications sont riches et diverses. Donc déjà, au-delà de regarder le génome humain, donc ça a été utilisé, par exemple, pour reconstituer la phylogénie des mammifères et répondre à des questions qui étaient un petit peu non résolues sur l'histoire de nos mammifères. Ça va permettre aussi d'être utilisé pour savoir si une espèce mammifère est en voie d'extinction. Et comme ça a été dit, ça va pouvoir permettre de comprendre ce qui est unique à chaque espèce, donc ce qui est unique à l'espèce humaine, mais aussi à chaque espèce animale. Et finalement, comme ce qui a été dit, comparer le génome de toutes ces espèces va pouvoir mettre en lumière les régions qui sont conservées chez toutes les espèces, c'est-à-dire les régions pour lesquelles on va retrouver exactement la même lettre génétique chez... toutes les espèces, et donc ces régions conservées, en fait, vont permettre de dire que ces régions, en fait, au final, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font, mais on sait au moins que quoi qu'elles fassent, elles sont très importantes, et dans un génome qui fait des milliards de paires de bases, pouvoir identifier la centaine de millions, puisque c'est ce qui a été estimé avec Zoonomia, la centaine de millions de régions qui sont a priori les plus importantes, et est une information fondamentale. On va rentrer dans quelques instants dans le détail de Zoonomia et de ses découvertes, mais avant ça, Déborah Bourqui, on peut peut-être commencer aussi par caractériser les mammifères. Il existe 6514 espèces de mammifères sur Terre, c'est une immense diversité. Qu'est-ce qui caractérise ce groupe ? Donc on pense tout de suite à la placentation, l'apport de cet organe qui est vraiment spécifique aux mammifères, bon, qui peut exister chez d'autres espèces de manière un peu plus anecdotique, mais qui fait la jonction entre la mère et le petit pour un développement in utero. Mais en fait, pas tous les mammifères ne sont dotés d'un placenta, ce qui est vraiment le trait commun entre tous les mammifères, c'est le processus de lactation. Donc encore un processus qui est unique aux mammifères, où on allaite le petit plutôt que de le nourrir d'une manière en prenant la nourriture ailleurs que physiologiquement par la mère. Et donc, il y a trois grandes espèces de mammifères qui sont classées, en fait, qui sont tous des mammifères qui ont la lactation comme mode de nourriture du petit, mais qui vont diverger sur leur mode de reproduction vis-à-vis du placenta. Donc, on a les mammifères placentaires tels qu'on les connaît, l'éléphant, la souris, l'homme. Après, on a ce qu'on appelle les marsupiaux, donc avec les kangourous, par exemple, qui, eux, vont avoir un placenta, mais rudimentaire. Donc, le développement in utero ne se fait que pour quelques semaines. Et ensuite, on passe par la poche. Et donc, cette tétine sur laquelle le petit kangourou va rester pendant des semaines et des mois et qui fait aussi office donc, pour finir le développement. Et enfin, on a les espèces qu'on peut dire les plus rudimentaires, qui sont sans doute à la jonction en fait, avec d'autres espèces, notamment les reptiles ou les oiseaux. Ce sont les monotrèmes. Et on connaît tous l'ornithorynque, cette espèce d'animal, voilà, d'anomalie, qui est donc quand même un mammifère du fait qu'il utilise la lactation, mais qui pond des œufs, voilà. Stéphane Gazal, un mammifère, ce qui caractérise donc c'est le placenta ou la lactation, et où donc étudier toutes ces espèces, c'est important pour comprendre comment la lignée des mammifères a émergé et comment elle a évolué. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur... Pardon, excusez-moi. Non, j'essaie de faire circuler la parole comme ça entre vous deux, mais sur, justement, pour rester un peu sur les spécificités des mammifères, des bravourquis, parce qu'on parle de lactation et de placenta, autre spécificité, c'est impossible de faire de la parthénogenèse chez les mammifères. Exact, si je peux rebondir là-dessus. Oui, c'est un sujet d'étude qu'on étudie, effectivement. On peut avoir d'autres espèces qui peuvent avoir de ce qu'on dit la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'on peut se reproduire sans partenaire sexuel. Et donc, ça se fait par un œuf qui va se dupliquer, qui va donc initier le développement. On voit des espèces qui peuvent avoir des recours à ce mode de reproduction. Chez l'abeille, par exemple, qui peut alterner entre un mode de reproduction parthénogenote, c'est comme ça qu'elle va faire, par exemple, des mâles, et un mode de reproduction sexué qui va fournir toutes les femelles de la ruche. On peut observer ça aussi chez certains animaux qui ont été en captivité pour un très long moment, qui n'ont jamais été exposés à des partenaires sexuels et qui vont spontanément mettre au monde un petit. Et on se rend compte que c'est par parthénogenèse. C'était observé chez certaines espèces de requins, par exemple, ou de grands reptiles. Mais chez les mammifères, c'est strictement impossible. Et dans les années 80, il y a eu de très belles expériences qui ont été faites d'essayer de construire des produits de conception, dont des petits qui seraient monoparentaux, donc qui dériveraient que de deux œufs ou de deux spermatozoïdes. Et bien qu'on ait exactement le même nombre de chromosomes, le même capital génétique, parce que ça a été fait chez des souris qui sont strictement identiques en termes de génome, qui n'ont aucune différence entre elles, on voit que le développement ne peut pas se faire si on n'a pas à la fois une composition génétique paternelle et maternelle pour alimenter le développement. Et ce n'est pas dû à la séquence ADN, c'est dû à ce qu'on appelle la régulation épigénétique, qui sont des espèces de petites marques qui vont décorer le génome. Et chaque cellule a sa propre décoration en termes de ces marques épigénétiques qui reflètent son identité. Et donc, en tant qu'œuf, on va avoir un paysage épigénétique particulier. En tant que spermatozoïde, un autre paysage épigénétique particulier. Et on a besoin de la combinaison de ces deux paysages pour faire un petit, ce qui n'existe pas chez d'autres espèces. Oui, voilà, c'est qu'on ne se résume pas à notre ADN, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle l'épigénome. Voilà. On en vient, voilà, Zoonomia, Stephen Gazal. Ce projet baptisé Zoonomia, c'est un clin d'œil à l'un des ouvrages phares de Charles Darwin. C'est un projet porté par The Broad Institute of MIT and Harvard, centre de recherche biomédicale aux États-Unis. Stephen Gazal, ça regroupe plus de 150 chercheurs à travers le monde. Quand a commencé ce projet? Alors ce projet, je dirais qu'il a commencé il y a 4-5 ans. Moi, je l'ai rejoint en route en 2020, quand une des personnes responsables de projet m'a contacté pour justement utiliser cette base de données qu'ils avaient créée pour mieux comprendre les maladies humaines. Et donc, la toute première étape de ce projet, ça a été de récolter tous les ADN de mammifères qui avaient été séquencés, donc 240 pour être plus précis, ce qui représente 4 fois plus ce qui avait été mis à disposition dans la version précédente de ce projet. Et donc voilà, donc il y a quelques années, donc ces chercheurs ont récolté ces 240 génomes, les ont alignés les uns sur les autres, et après ont cherché pour chaque position du génome lesquelles étaient conservées chez toutes les espèces et lesquelles étaient spécifiques à chaque espèce. Oui, c'est 11 publications qui viennent de paraître. Ça provient d'échantillons de plus de 50 institutions, des échantillons du zoo de San Diego. Stephen Gazal, c'est un travail titanesque. Oui, mais ça représente bien ce qu'est la recherche en génétique aujourd'hui. C'est-à-dire que l'étude du génome humain est tellement compliquée, et du génome en général, que ça ne peut pas se faire tout seul et que ça implique une collaboration entre des collaborations entre plusieurs laboratoires et entre plusieurs expertises. Et donc, ce qui était fantastique avec ce projet, c'était de pouvoir collaborer avec des personnes, par exemple, qui développaient des algorithmes pour aligner les génomes de toutes ces espèces les uns avec les autres, avec des personnes qui étaient plus spécialistes du génome de la chauve-souris ou des chiens, des généticiens qui sont intéressés sur comment les gènes sont régulés, et des personnes comme moi qui sont intéressées de savoir quel est l'impact de l'évolution sur l'architecture génétique des maladies humaines. La nouveauté ici, c'est que c'est la première fois qu'on a un nombre d'espèces suffisamment important. Oui, c'est ça, en fait. C'était ce qui était beau à observer, c'était que ce nombre de 240 nous permettait théoriquement de pouvoir regarder précisément à chaque paire de bases, à chaque position du génome, ce qui se passait. Et ce qui a été incroyable, c'était de l'observer une fois qu'on avait les vraies données. Et donc, pour donner une petite image, une petite analogie, c'est, ce jeu de données, c'est vraiment ce qui nous permet de passer d'un outil analogique à un outil numérique pour l'analyse du génome humain. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir une information très précise qui va pouvoir qui va pouvoir quantifier l'importance de chaque position du génome grâce à grâce à l'évolution qu'il y a eu entre 100 millions d'années d'évolution entre tous ces mammifères. Déborah Bourquis. Je pense que c'était intéressant aussi d'un autre point de vue, effectivement regarder ce qui est conservé, ce qui est différent, mais aussi un aspect qu'on ignore ou on ne sait pas, oui, en général, c'est que notre génome est fait de gènes, mais c'est une proportion infime en fait de la masse d'ADN qu'on a dans notre noyau, pour les espèces mammifères aussi. Ce qu'on a beaucoup en fait, c'est ce qu'on appelle des éléments transposables, qui sont des séquences répétées. Qui viennent sans doute de virus extérieurs qui ont un jour réussi à s'infiltrer dans notre propre génome et qui sont depuis devenus des entités génétiques résidentes de notre ADN. Et un des papiers justement de Zoonomia, ça a été de comparer un peu la charge en éléments transposables de ces 240 espèces de mammifères. Donc il y a aussi des choses communes, mais aussi des choses très différentes qui reflètent notamment l'exposition de ces différentes lignées de mammifères à différents virus. Parce que ce qu'on voit dans notre ADN aujourd'hui, c'est un petit peu une archive de ce à quoi les espèces ont été exposées. Et ça permet de comprendre aussi peut-être certains schémas évolutifs, parce qu'on sait de plus en plus que cette matière qui vient de rétrovirus, le génome, en fait, elle n'est pas soumise à une pression de sélection. Hein, donc le génome peut l'utiliser pour dériver des nouvelles fonctions, des nouveaux gènes, et donc des innovations, et expliquer aussi la pléthore de traits morphologiques ou de moyens de locomotion ou de moyens de reproduction chez les mammifères, éventuellement aussi l'origine de certaines maladies, parce que certaines espèces peuvent être peut-être plus sensibles à certaines maladies parce qu'elles n'ont pas les bons transposons qu'elles ont pu utiliser pour dériver des nouveaux gènes ou des nouvelles protéines. Alors, Zoonomia, c'est la plus grande ressource génomique comparative de mammifères au monde. Quelles ont été ces découvertes plus précisément? On y vient. France Culture, la science CQFD. Natacha Trio. C'est 16h17 sur France Culture. Comment décoder l'humain, comprendre son évolution et ses maladies à partir du génome de 240 mammifères? C'est ce dont nous parlons avec Déborah Bourquis et Steven Gazal. Nous parlons du Zoonomia Project. Nous venons de voir que ce projet identifie donc les parties clés du génome humain qui sont restées inchangées après des millions d'années d'évolution pour essayer de comprendre la spécificité des mammifères, comment ils ont pu émerger. Steven Gazal, on peut parler hein, plus précisément des découvertes du dernier projet Zoonomia? Oui. Ah bah alors il y en a eu plein. Si effectivement s'il y a eu 11 papiers, c'est qu'il y en a eu plein. Alors moi je vais peut-être parler de celle qui m'intéresse le plus. Alors une des premières découvertes, donc c'est la caractérisation de ces positions qui sont conservées du génome. Donc on en a détecté 100 millions, ce qui représente un peu plus 3% du génome humain, ce qui est assez énorme. Ce qu'il faut se dire, c'est que si ces positions génétiques n'avaient vraiment aucun effet, n'étaient vraiment pas importantes, on estimerait qu'il y en aura à peu près 200 sur le génome. Donc on peut voir que ce nombre de 100 millions est vraiment très significatif et dérive vraiment de ce qu'on attendrait sous un modèle sans impact du génome sur les maladies humaines. Et donc ce qui était intéressant, c'était de caractériser où se situait et quelle était la fonction de ces 100 millions de positions conservées. Donc on n'a pas pu le faire pour chaque position une à une. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que ces positions conservées étaient concentrées principalement autour des gènes impliqués dans le développement de l'embryon. Et dans un des papiers qu'on a publié, on a pu voir que ces gènes étaient également impliqués dans les maladies psychiatriques, donc des gènes qui seraient liés au cerveau. Et donc ce qui montre qu'il y a une certaine conservation du génome autour des gènes liés au cerveau, puisque ce qui caractérise également un mammifère, on a parlé des glandes mammaires il y a quelques instants, mais c'est également l'imprésence d'un néocortex. Et donc ça, c'est pour la partie, ce qui est conservé chez tous les mammifères. Une des autres découvertes a été de pouvoir étudier ce qui est spécifique à l'être humain. Alors, donc, il y a deux études pour ça qui ont été faites. La première, qui a recensé les régions du génome humain où on a observé, qui sont conservées chez tous les mammifères, mais pour lesquelles on a observé beaucoup de mutations chez l'être humain. Et donc, on appelle ça des régions accélérées chez l'être humain. Et donc, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que ces régions accélérées, elles sont principalement impliquées dans la régulation du cerveau et qu'elles ont changé l'architecture 3D du génome, c'est-à-dire qu'elles ont changé comment notre ADN était compacté dans nos cellules. Et enfin, une autre étude a regardé l'opposé, c'est-à-dire plutôt que de regarder ce qui caractérisait l'être humain en termes de mutation, à regarder ce qui caractérisait l'être humain en termes de délétion, c'est-à-dire quelles régions du génome sont conservées chez tous les mammifères mais absentes chez l'être humain. Et là encore, on a pu montrer que ces régions qui ont été supprimées sont impliquées dans la régulation des gènes du système nerveux. Steven Gaza, je rebondis sur une des choses, on a dit beaucoup de choses là à l'instant, mais sur ce que vous venez de dire, c'est que par exemple, par rapport, les gènes de développement sont donc très conservés, alors que ceux de l'immunité, si je comprends bien une de ces études, les gènes de l'immunité, eux, ne sont presque pas conservés, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans l'autre extrême des gènes, donc ceux qui ne sont pas beaucoup conservés, sont les gènes liés à l'immunité et plus généralement à l'adaptation à des nouveaux environnements. Et donc pourquoi ? Parce que c'est des gènes qui vont avoir besoin de mutations, qui vont avoir besoin d'évoluer pour pouvoir s'adapter à de nouveaux environnements. Et donc forcément, si un gène a besoin d'évoluer, a besoin de muter, il va avoir moins de régions conservées entre toutes les espèces de mammifères. Et un des articles aussi a mis en évidence plusieurs régions d'au moins 20 paires de bases consécutives. Cela donne 45 000 régions entièrement conservées, identiques chez tous les mammifères. Déborah Bourkis, pourquoi est-il si important d'observer ces séquences d'ADN qui restent invariantes ou contraintes à travers de nombreuses espèces ? Ça peut aider, mais je pense que Steven en parlera mieux que moi, c'est pour identifier quand on cherche des mutations chez des patients. On va souvent tomber dans des régions qui ne ressemblent à rien, en fait. On ne sait pas si la mutation, elle est causative, si elle est vraiment responsable ou c'est juste un variant génétique qui est responsable de cette maladie. Et donc d'avoir une indication que c'est une région hyper conservée, donc il y a eu une grande pression de sélection pour la conserver, ça peut indiquer qu'effectivement c'est la mutation qui est vraiment à l'origine de cette maladie génétique. Et ça permet aussi d'aller vers un modèle de modélisation de cette maladie, donc avec la souris. Si cette région est hyper conservée, on espère qu'en la mutant de manière volontaire, on va pouvoir avoir accès à un modèle de pathologie et peut-être trouver des nouvelles thérapies ou mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au cours du développement, tout ce dont on n'a pas accès sur le patient en lui-même. Steven Gazal. Oui, alors effectivement, c'est l'utilisation de ces données à des usages cliniques, à des usages diagnostiques est assez fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on séquence l'ADN de beaucoup de patients dans les hôpitaux, donc c'est-à-dire des patients pour lesquels qui ont généralement des maladies rares, des maladies dont on suppose une origine génétique liée à une seule mutation. Et donc ce qu'on va faire pour ces patients, c'est qu'on va regarder tout leur génome, on va regarder toutes leurs mutations. Il y en a beaucoup. Et ce dont on a besoin, c'est d'outils pour pouvoir filtrer ces mutations, pour pouvoir comprendre laquelle est la plus probable d'être délétère. Et si parmi toutes ces mutations, on en observe une qui arrive à une position qui est conservée chez tous les mammifères, eh bien on va pouvoir se dire, ah bah tiens, si on n'a jamais pu observer de mutation durant 100 millions d'années d'évolution, c'est très probablement que cette mutation-là a un impact délétère sur l'être humain. Je rebondis à nouveau toujours sur le Zoonomia Project, Steven Gazal. Vous avez évoqué, hein, il y a beaucoup de régions du génome qui sont conservées et on n'a aucune idée de leur rôle. Oui, bah c'est vrai pour l'ensemble de beaucoup de régions du génome. Alors là, peut-être, il faudrait faire peut-être une petite parenthèse sur le génome non codant. Le fameux ADN poubelle, je sais que vous avez eu une émission il y a quelques semaines là-dessus, mais je vais peut-être faire un, un petit résumé. Donc, c'est que ces régions non codantes, c'est des régions, donc on ne sait pas vraiment ce qu'elles font, mais on sait qu'elles contiennent des éléments régulateurs qui s'appellent des enhancers et qui vont servir à réguler les gènes, c'est-à-dire qu'ils vont quantifier le nombre de protéines qu'on va avoir dans chaque cellule. Et il est toujours aujourd'hui extrêmement compliqué de comprendre où sont ces enhancers et de savoir ce qu'ils font. Alors pourquoi c'est très compliqué ? Alors la première raison, c'est que les techniques pour déterminer où sont ces enhancers sont imparfaites. La deuxième, c'est que les enhancers ne se situent pas aux mêmes endroits d'un type de cellule à l'autre. C'est-à-dire qu'un enhancer dans le cerveau ne va pas être situé au même endroit qu'un enhancer dans les cellules immunitaires. Et donc, en gros, comprendre la fonction du génome non codant est extrêmement compliqué. Parce qu'il va nécessiter des analyses sur chaque type cellulaire de l'être humain. Et donc certains types cellulaires comme le sang sont faciles d'accès, mais d'autres comme le cerveau ne le sont pas. Mais bon, et donc, pardon, excusez-moi. Je finis. Oui, et donc on a une base de données. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une base de données qui est incomplète et qui va pouvoir nous permettre de dire, ok, certains variants conservés chez tous les mammifères ont tel ou tel effet sur telle ou telle et telle cellule. Mais aussi, on peut prendre le problème à l'envers. Maintenant, on peut pouvoir dire, oh, ben voilà, on a ces variants conservés. On ne sait pas du tout ce qu'ils font. Et ils vont nous permettre à créer des modèles de prédiction pour pouvoir dire quelles régions du génome sont le plus importantes ou pas. Oui, petite précision. Quand on parle de variants, ce sont les positions sur le génome où il y a des mutations fréquentes. Déborah Bourquiz, vous souhaitiez compléter. Oui, je voulais rebondir. Ce qui montre bien la limite, en fait, d'avoir juste accès à une séquence génétique, à un ordre de base. Et qui montre la complémentarité d'autres projets qui ont lieu à travers le monde, notamment les projets épigénome, qui consistent à regarder toutes ces marques épigénétiques dont j'ai parlé, dont certaines peuvent être des signatures de ces fonctions enhancers. Et donc, on approche de plus en plus vers de plus en plus de tissus pour lesquels on va pouvoir positionner ces enhancers basés sur ces marques épigénétiques, parce que ce n'est pas au niveau de la séquence qu'on peut les définir. Et on peut le faire aussi de plus en plus à l'échelle de la cellule unique. Donc même à l'échelle d'un tissu qui a une composition cellulaire très compliquée, on peut aussi maintenant commencer à avoir accès à même des cellules hyper rares au sein d'un tissu, comprendre quels enhancers sont actifs dans ce type de cellules ou au cours du développement, quels enhancers vont être importants pour l'émergence de ce lignage et de ce tissu et de cet organe. On évoque cet ADN non codant, cet ADN poubelle. C'est autre et de particularité des mammifères, c'est que dans le génome, il y a environ 25 000 gènes, mais seulement 2% c'est de la masse d'ADN codant, c'est-à-dire qui code pour des protéines. On compte environ donc 50% de notre génome qui est constitué de transposons, Déborah Bourquiz. Donc entre 40 et 50%. Donc ça, c'est ce qu'on a à peu près comme curseur chez la souris ou chez l'homme. Mais le projet Zoonomia en particulier a montré un petit peu aussi... On peut avoir des espèces avec plus ou moins en fait, de cette proportion. Notamment, on a découvert cette espèce de fourmilier africain qui va jusqu'à 70% de son ADN composé de transposons. Après, on a d'autres espèces où il y a un peu moins. Donc déjà, il y a cette diversité dans la charge de transposons. Et puis, sur même ce que je disais sur le type de transposons, ça renseigne aussi d'événements d'infection passés. Et aussi, ça donne la possibilité à chacun de ces lignages de mammifères d'utiliser leur propre répertoire de transposons pour dériver des nouvelles fonctions. Donc, on peut utiliser un transposon qui, en fait, ressemble à un gène. Hein, il a un promoteur, il a une séquence qui lui permet de coder des protéines qui sont que des protéines qui lui permettent de se dupliquer, de se mobiliser, parce que c'est la nature des transposons, c'est de se mobiliser dans notre ADN. Mais on peut détourner en fait cette séquence pour en faire quelque chose d'utile, parce que c'est des fonctions qui permettent de couper de l'ADN, de le copier. Donc on sait par exemple que la protéine RAG, qui est indispensable chez les vertébrés pour la création des immunoglobulines, c'est une protéine qui va couper, qui va ressouder des morceaux d'ADN, et bien elle dérive d'une transposase en fait. Donc ça, c'est un des aspects évolutifs qui est intéressant avec les transposons. Et aussi, on peut les utiliser parce qu'ils sont dispersés dans tout le génome. On peut les utiliser justement comme enhancers, ce qu'on a évoqué auparavant, qui vont pouvoir en fait activer en masse des gènes qui sont importants pour une fonction biologique précise. Donc par exemple la pluripotence, qui est donc cet état naïf que connaît l'embryon au cours du développement, qui est l'état de base à partir duquel il va pouvoir faire tous les tissus. Mais on sait qu'il y a des gènes de pluripotence qui doivent être activés en masse et tout en même temps. Et il semble que chez les différentes espèces de mammifères, elles vont utiliser leur propre espèce de transposon pour pouvoir activer tout en même temps ces gènes à un moment précis du développement. Donc on a mis beaucoup de temps à comprendre justement quelle était l'origine de la pluripotence en comparant l'homme et la souris, parce qu'on ne voyait aucune conservation de ces énonceurs. Et on s'est rendu compte en fait qu'il ne fallait pas chercher vraiment à la même position, mais plutôt chercher les transposons qui étaient à proximité de ces gènes de pluripotence, qui ont expliqué voilà, comment les deux espèces ont utilisé à bon escient ce matériel malléable qu'elles avaient à disposition. Oui, puis une des protéines essentielles du placenta vient d'un transposon. Également, donc ça c'est effectivement un cas d'école qu'on aime citer, c'est le gène de la syntytine, qui est en fait une gène qui permet de fusionner plusieurs cellules au sein du placenta et créer ce qu'on appelle un syncytium, c'est vraiment une des structures du placenta. Et on a pu observer en fait que ces syncytines dérivent aussi d'un transposon. Et ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois, suivant la lignée de mammifères, ces lignées de mammifères ont pris un transposon qu'elles avaient disponible dans leur ADN et ont répété en fait ce même mécanisme de domestication. On appelle ça de la cooption ou la domestication pour transformer ce gène de transposon en une protéine qui avait cette capacité d'induire des fusions cellulaires et qui serait peut-être aussi à l'origine donc, de l'émergence du placenta. C'est aussi ce qu'on appelle une évolution convergente dans cette Exactement. Histoire. Mais à quel point l'analyse génomique est un outil fondamental pour interpréter les maladies humaines, restez avec nous. Sur France Culture Paupières, ADN, car nous parlons d'ADN de mammifères avec Déborah Bourkis, directrice de recherche INSERM, chef de l'équipe Décision épigénétique et reproduction chez les mammifères à l'Institut Curie, et Steven Gazal, professeur en génétique adjoint au Centre d'épidémiologie génétique du département des sciences de la santé publique et des populations à l'Université de Californie du Sud. Alors nous venons de voir dans un premier temps pourquoi étudier l'ADN des mammifères et comment le faire. On a vu que ces séquençages permettent tout d'abord de comprendre l'évolution de ce groupe, puis nous avons vu l'importance d'étudier les transposons pour comprendre les principes de régulation de notre ADN et les principes d'évolution de certains mammifères. Toujours au sujet des transposons, Déborah Bourkis, vous travaillez sur l'étude de l'ADN, en particulier de souris, pour comprendre les mécanismes de régulation des transposons. Oui, donc effectivement, je parlais de l'innovation que peuvent fournir donc ces transposons, parce qu'ils peuvent eux-mêmes être dérivés, mais ils vont aussi en fait susciter l'évolution de mécanismes pour les réprimer dans la cellule. Parce qu'il faut avoir un bon équilibre entre ces gènes et ces transposons. Il ne faut pas que les transposons deviennent trop envahissants et encombrants. Et donc, ce qu'on a pu observer au cours de l'évolution, c'est qu'il y a des implémentations de mécanismes pour les tenir sous silence, en fait, pour les dompter. Et donc ça aussi, c'est une source en fait, d'évolution, de différents mécanismes de répression parmi les différents mammifères. Et on est tombé notamment en fait, sur un gène qui est spécifique vraiment des souris, enfin des rongeurs en général. Donc ça inclut les rats, le cobaye, etc. qui ont évolué une protéine qui n'existe que dans ces lignages et dont la seule fonction, en fait, c'est de mettre sous silence ces transposons dans les précurseurs des spermatozoïdes. Et si ça ne se fait pas, en fait, ces transposons commencent à être réactivés et ça va empêcher la production de spermatozoïdes et ça va donner des souris mâles complètement stériles. Et donc, ça, c'est relié peut-être au fait que chez la souris, on a remarqué qu'il y a une population de transposons particulièrement agressive et actif, qui a sans doute envahi le génome des rongeurs assez récemment. Enfin, quand je dis assez récemment, c'est 60 millions d'années. Mais qui aurait été une force d'évolution pour l'émergence de ce nouveau gène, en fait. Mais ça pose la question, du coup, comment font, par exemple, les humains pour réprimer leurs transposons, et les hommes en particulier, dans leurs futurs spermatozoïdes du cours du développement. Donc ça ouvre aussi des questions de similarité, et aussi peut-être de phénomènes d'évolution convergente. Il faudrait trouver quel autre mécanisme peut-être a été développé chez les humains. Mais si je comprends bien, vous me corrigez, vous rendez inactifs des gènes importants pour mettre sous silence des transposons, et vous regardez ce que ça fait, et on observe dans la fertilité. Donc, grosso modo. Oui, en fait, on avait fait là un crible génétique. Donc là, si on rentre dans le point de vue technique, en fait, on sait ce que ça fait quand les transposons se réactivent dans les précurseurs des spermatozoïdes. On savait, parce qu'on avait étudié d'autres gènes auparavant qui avaient cette fonction, et on sait quand on les mute, ça fait ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a induit, on a criblé en fait le génome de la souris avec une drogue en fait, qui induit des mutations ponctuelles. Et en fait, ce qu'on a fait ensuite, c'est des croisements. Donc ça a été fait in vivo, et on a essayé de voir si on pouvait avoir des phénotypes, donc des traits qui rappellent cette réactivation des transposons et qui consiste en fait à avoir des petits testicules parce que les cellules germinales n'arrivent pas à se développer, pas de spermatozoïdes, donc moins de cellules dans les testicules qui deviennent atrophiées. Donc on a fait ce criblage génétique, on a bombardé des souris avec cet agent mutagène et on a regardé chez les souris s'il y avait ce phénotype de petit testicule qui émergeait. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à l'ADN, on séquence et on cherche en fait une mutation qu'on aurait induit par cet agent chimique. Et la position de cette nouvelle mutation, en association avec ce phénotype, nous dit, c'est ici qu'il doit y avoir une mutation et un nouveau gène impliqué potentiellement dans la répression des transposons. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce gène. On a eu du mal à le trouver parce qu'en fait, il n'était pas annoté. Non plus, en fait, c'était une limite de la séquence disponible du génome de la souris à ce moment-là. Donc on a dû faire aussi plein d'études pour montrer que c'était vraiment un nouveau gène, etc., puisqu'on ne le connaissait pas du tout dans toutes les bases de données. Voilà. Très bien, votre équipe et vous étudiez donc ces relations entre les transposons les plus actifs et les cellules reproductrices mâles. Mais pour remettre ça un peu en contexte, quelle est l'importance à étudier les transposons? C'est pour comprendre par exemple aussi les relations entre les mammifères, ils peuvent avoir des transposons en commun, enfin... Effectivement, on peut dater, on peut aussi les utiliser, ça a été montré maintenant, pour faire de la phylogénie, en fait, effectivement. Parce que les anciennes familles de transposons vont être plus communes parmi différentes espèces, alors que les plus récentes peuvent être uniques à une certaine espèce ou à d'autres. Donc on peut aussi utiliser ces transposons pour faire des classifications, et c'était fait notamment pour les primates. On arrive à très bien les repositionner dans leur arbre généalogique de primates, juste en se focalisant sur ces transposons, en ignorant tout ce qui est séquence génique. Donc c'est assez formidable de voir qu'on peut recomposer en fait aussi l'histoire des mammifères suivant leur répertoire en transposons. Ce qu'il faut dire aussi dans cette histoire, c'est que les transposons ont été ignorés pendant longtemps. Parce que difficile à séquencer. Parce que ce sont des séquences répétées, qui sont réitérées de multiples fois dans l'ADN. Et donc, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qu'ils faisaient, on n'arrivait pas bien à les annoter, on avait tendance à les laisser un peu de côté aussi parce que, on a eu pendant très longtemps cette vision très gène-centrique, en ignorant tout ce qui n'était pas un gène, ce qui n'était pas un exon, ce qui n'était pas une séquence codante. Mais maintenant, on a développé des outils bioinformatiques, notamment avec le séquençage. Et donc, j'évoquais au début, classiquement, les méthodes de séquençage, ça fait des petites lectures d'à peu près 100 ou 150 paires de bases, donc c'est assez petit. Donc ça peut aussi, ça peut avoir une limite en fait pour pouvoir annoter la position de ces transposons. Mais maintenant on peut faire des séquençages longues séquences qu'on appelle, qui permettent de séquencer d'un trait en fait des fragments de plusieurs kilobases. Et donc ça permet de mieux aussi annoter la position de ces transposons dans le génome, mais pas que les transposons, par exemple, il y a d'autres séquences répétées qui sont laissées qui sont restées très longtemps non accessibles, qui forment ce qu'on appelle les centromères, donc ces structures au milieu des chromosomes qui permettent aux chromosomes de s'associer, de se dissocier lors des divisions cellulaires, mais aussi les télomères qui sont les extrémités des chromosomes et qui sont très importantes pour les protéger contre le vieillissement, contre la dégradation, et ça aussi c'est des séquences répétées. Et donc il y a eu ce projet qu'on appelle T2T, télomère to télomère, qui est aussi un projet de séquençage génomique qui a eu lieu chez l'humain, où on utilisait ces longues séquences pour pouvoir annoter notamment de télomère à télomère, donc toute la longue des chromosomes, et avoir accès à ces séquences répétées qu'on ne pouvait pas annoter auparavant et comprendre ce qu'il y avait vraiment dedans. Pour revenir sur le projet, le Zoonomia Project, on l'a dit en première partie d'émission, Steven Gazal, ça pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les parties de notre génome qui sont fonctionnelles et comment elles pourraient influencer la santé et les maladies. Vous, Steven Gazal, vous étudiez les maladies dites complexes, comme le diabète de type 2, la schizophrénie. Comment vous procédez justement dans ce cadre ? Alors dans ce cadre, ce qu'on a en fait, c'est qu'on a les résultats d'études qui s'appellent des études d'analyse d'association pangénomique, c'est-à-dire c'est des études pour lesquelles on va comparer pour plusieurs mutations génétiques qui sont devenues très fréquentes chez l'être humain. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mutation qui est apparue il y a des dizaines de milliers d'années dans l'espèce humaine avant la sortie d'Afrique, qui est devenue très fréquente dans la population. Donc c'est par exemple, on va dire qu'on a 40% de chances d'avoir un A, et 60% de chances d'avoir un T. Et donc ces études d'association pangénomique, qu'est-ce qu'elles font ? Elles comparent la fréquence de ces polymorphismes, de ces variants, dans un grand nombre de cas. Par exemple, je ne sais pas, je vais dire 100 000 cas atteints de schizophrénie, et un grand nombre de contrôles. Et donc qu'est-ce qu'elles nous sortent, ces études d'association pangénomique ? C'est des régions associées avec la maladie. Mais toujours aujourd'hui, on a extrêmement de mal à extraire de ces régions d'association quel est le variant, quel est le polymorphisme, quelle est la mutation qui est vraiment causale, quel gène cette mutation impacte, puisque la plupart de ces variants, donc on estime environ 90% de ces variants, sont dans le génome non codant. Donc on ne sait pas quel gène elle cible et dans quel type de cellules cela est actif. Donc voilà, donc ça c'était pour donner un portrait de l'état. Et donc en quoi Zoonomia va nous aider ici ? Eh bien Zoonomia va nous aider à prioriser les variants dans ces régions d'association qui sont le plus susceptibles d'être causaux. Et donc c'est-à-dire qu'ils vont permettre de restreindre la liste d'une centaine de variants à peu près 5 variants pour lesquels on va pouvoir faire des études fonctionnelles. Oui, donc votre objectif, c'est de comprendre l'impact de ces mutations fréquentes sur les maladies complexes. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h42 sur France Culture, nous parlons du Zoonomia Project avec Déborah Bourkis et Steven Gazal, et plus généralement de l'étude génomique des mammifères. Pour arriver à identifier ce qui nous distingue des autres mammifères, une des recherches publiées du programme Zoonomia a séquencé des fragments d'ADN qui œuvrent à la synthèse d'une structure essentielle dans les réseaux cérébraux, la myéline. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée à l'Institut du cerveau de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour sonder sur la paillasse des tranches de cerveau. Et oui, pour sonder la myéline, comme vous dites, une membrane qui enrobe et protège les axones des neurones, un peu comme une gaine de fil électrique. Longtemps négligée, on sait aujourd'hui que la myéline joue un rôle majeur dans la plasticité cérébrale, et il se trouve qu'au cours de l'évolution, le processus associé à la myélinisation se serait distingué en fonction des mammifères. À l'ICM, j'ai retrouvé deux experts de ce phénomène, Violeta Zujovic et Brahim Naït Oumesmar, qui analysent ce mécanisme chez l'humain et le murin à travers des techniques d'imagerie de très haute précision. Donc, c'est alors, des coupes de cerveau. On peut voir ici, c'est des très fines tranches qu'on a préparées en fait pour faire de la microscopie électronique. Là, elles sont colorées. Oui, c'est le tétroxyde d'osmium en fait qui va être visualisé après en microscopie électronique. Pour être clair, c'est vraiment noir là. C'est, voilà, c'est oui, complètement oui. noir. Et sinon, vous avez d'autres formes de tissus de préparation. Ça, c'est des coupes histologiques congelées. Donc, c'est des coupes de cerveau. Donc, où là, on va pouvoir faire de ce qu'on appelle de l'immunohistochimie pour détecter la myéline, entre autres, mais également les autres types cellulaires, par immunofluorescence. Alors, la myéline, c'est une sorte de gaine qui va être autour des axones. Donc, pour définir les axones, il y a le corps cellulaire du neurone et l'axone va être le sorte de bras du neurone qui, par exemple, va aller connecter le muscle. Cette gaine va s'enrouler autour de l'axone et l'influx nerveux va voyager d'une zone amyélinique à une autre, en fait. Cette gaine, c'est une gaine isolante qui va permettre, au lieu d'avoir un influx continu le long de l'axone, de faire ce qu'on appelle une conduction saltatoire. Donc, il y aura un petit saut de l'influx nerveux d'une zone où il n'y a pas de myéline à une autre zone où il n'y a pas de myéline. Et ça permet, en fait, d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Donc, c'est des fonctions essentiellement très larges. Hein. Donc, à la fois des fonctions cognitives, des fonctions dans la motricité. Et c'est vrai que c'est une structure qui est apparue au cours de l'évolution chez les poissons à mâchoire, donc pour justement le mouvement rapide, mais aussi la prédation et la fuite. Donc c'est un gain évolutif, donc la conduction d'une fibre myélinisée de l'ordre de 100 fois plus rapide que les fibres amyéliniques. C'est une propagation rapide de l'influx nerveux que ça génère, mais également des effets dits de neuroprotection, c'est-à-dire que cette structure a aussi un effet de protéger la fibre nerveuse contre la dégénérescence. Donc c'est vraiment un tissu essentiel. Qu'est-ce qu'on sait sur la présence de ce tissu-là dans des primates ou des grands singes, des espèces apparentées à nous qui nous distingueraient au niveau des capacités cognitives? Donc la myéline est présente, hein, des primates, bien sûr chez l'homme. Hein, donc c'est des fonctions extrêmement importantes, hein, dans toutes les fonctions de motricité. Dans les fonctions cognitives, hein, donc l'apprentissage, la mémoire, sont beaucoup liés à la structure et à la formation de gaines de myéline. Et en particulier, ce qu'on sait maintenant, c'est que la myélinisation, c'est-à-dire la formation de myéline, peut être régulée par l'activité. Par exemple, l'apprentissage, jouer de la musique, par exemple, a des effets d'augmentation de l'épaisseur de la gaine de myéline. Et donc, ça améliore les processus cognitif, et donc il y a des implications qui sont extrêmement importantes dans beaucoup de pathologies dites neuropsychiatriques. Par exemple, je développe des modèles humanisés, c'est-à-dire que je vais prélever des cellules de patients pour essayer de modéliser ça dans des modèles murins et de voir pour chaque patient d'avoir un modèle de sa pathologie. C'est-à-dire prendre des patients extrêmes, ceux qui se réparent versus ceux qui ne se réparent pas, essayer de modéliser ça, donc soit dans des cellules, soit dans des modèles murins, et de voir derrière quels sont les signaux que certains vont mettre en place et d'autres pas. Là, c'est les gélules d'Epone. Donc en fait, ça, c'est les coupes vont être recoupées. Donc c'est Nadjet qui s'en occupe. Elle va en fait découper les petites régions sur ces coupes pour les recoller là-dessus. Et après, ça, pour faire des coupes ultra fines, semi-fines. Voilà. C'est, et donc ça va être visualisé après au microscope électronique. Parce qu'en fait, on doit travailler à une échelle vraiment très très basse. Et donc, on va se concentrer sur une seule région du cerveau pour aller l'observer ensuite, parce que bien sûr, au microscope électronique, on a... Alors, c'est sûr que c'est en une dimension, c'est-à-dire que maintenant, on a développé aussi des nouvelles techniques qui nous permettent de transpariser, que ce soit le cerveau ou la moelle épinière, et qui nous permettent de voir en 3D. Parce que là, ce qu'on vous a montré, c'est des coupes de tissus. Donc une coupe, forcément, on ne va pas avoir tout l'organe en entier. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut transpariser tout le cerveau et regarder même les interactions cellulaires. Et ça, le développement d'imagerie, que ce soit de l'imagerie en bioluminescence ou en IRM, permet de faire ce suivi longitudinal. Donc c'est... On peut regarder des photos si vous voulez, comme ça on peut vous montrer. Jérémy, il y a une coupe de moelle épinière là justement. Oh, on a presque une œuvre abstraite. Moi, mon projet en fait, ça consiste à greffer des cellules humaines au sein de la moelle épinière de souris. Et cette moelle, je vais donc la récupérer et faire plein de petites tranches que je vais venir immunomarquer en fait. Donc faire un marquage à l'aide d'anticorps. Au sein de mes souris, en fait, les cellules humaines vont être capables de produire de la myéline. Et ici, j'ai fait un marquage où en vert, on a la myéline qui va être produite par mes cellules humaines. En rouge, ça va être la myéline de souris. Et puis en bleu, c'est en fait le noyau de toutes les petites cellules. juste montrer des images de myéline. On parlait de gaine de myéline. Voilà, donc pour avoir une idée visuelle. Je suis obligée de vous montrer une gaine, quoi. Ouais. En fait, voilà, montrer la structure en microscopie électronique. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on vous montre ici, c'est la microscopie électronique. C'est pour vous montrer la différence de l'épaisseur. Donc ici, en bleu, ce qu'on a surligné, c'est un axone. Et vous voyez l'épaisseur de la myéline ici, qui est beaucoup plus petite que celle-là. Donc c'est vraiment par la tranche. C'est vraiment par la tranche. Donc c'est comme un saucisson qu'on a découpé comme ça par la tranche. Donc ça ressemble un peu à ça. Et on imagine que la myéline, c'est un peu l'enveloppe. Et vous voyez la différence entre celle-là et celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus épaisse. Et ça, c'est une myéline qu'on appelle développementale. C'est-à-dire que c'est une myéline qui a été faite lors du développement. Et ici, c'est une myéline qui a été remyélinisée. Et on la reconnaît par la différence d'épaisseur. C'est qu'on sait que lorsqu'elle a été détruite et qu'elle est refaite a posteriori, l'épaisseur n'est pas la même. Et c'est ce qui nous permet de les distinguer. C'est une caractéristique de la remyélinisation. Donc c'est vraiment le premier critère en fait, qui nous permet de dire que l'axone est remyélinisé. Et donc ça, c'est conservé au cours de l'évolution de la souris jusqu'à l'homme, où l'axone remyélinisé a cette caractéristique de l'influx nerveux. Ou quand la moelle épinière est une œuvre abstraite. Merci Céline Lozaine pour ce reportage. Déborah Bourkis, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? En quoi le processus de myélinisation, souligné par une recherche du programme Zoonomia, est fondamental au niveau cérébral chez les mammifères? Je ne sais pas pour la fonction, mais je peux parler peut-être de l'origine aussi de ce processus qui est assez intéressant en termes de génétique et de transposon. Parce qu'encore voilà, une fois, c'est un transposon qui peut-être aurait permis... Alors ça remonte de manière plus ancienne que simple mammifère, puisque ça semble toucher tous les vertébrés à mâchoire. Donc ça inclut aussi par exemple le poisson. Mais il semblerait qu'un transposon donc, qui est commun chez tous ces lignages, chez un ancêtre commun... aurait sauté et aurait permis en fait de produire un ARN qui va être important en fait pour booster l'expression d'une des protéines de cette structure de myéline, un des composants majeurs. Donc peut-être avoir cette expression boostée, augmentée par ce transposon a aussi participé en fait à l'innovation et à la capacité de transmettre les influx nerveux plus rapides chez les mammifères et chez d'autres vertébrés. On arrive vers la fin de cette émission, Déborah Bourkis. On parle donc de ce Zoonomia projet. Que reste-t-il à faire? Là, on a séquencé donc 240 génomes d'espèces de mammifères. La suite, c'est quoi? Là, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs individus par espèce aussi. Donc ça, c'est important d'avoir aussi une idée de la diversité génétique par espèce, notamment dans tous les programmes de conservation des animaux. Donc notamment, je pense aux cétacés. Je pense que c'est un axe hyper important de pouvoir voir un peu la diversité ou le manque de diversité génétique chez certaines espèces de mammifères pour aussi tirer l'alarme sur leur possible extinction future par manque de brassage génétique. Et puis quelque chose à creuser aussi qui est important, c'est aussi le génome des chauves-souris qui sont tellement diverses, qui ont connu des processus de spéciation tellement énormes. Et qui, on sait, ont des résistances aux infections. Donc, de nos jours, c'est intéressant de comprendre aussi pourquoi ces espèces peuvent tolérer toutes sortes d'infections en étant tout à fait normales et sans avoir de maladies chroniques qu'on pourrait identifier. Donc voilà, puiser un peu dans le génome de ces mammifères. On sait aussi, en termes de transposons, pour encore revenir à ma chapelle, qu'elles ont ces espèces de chauves-souris ont conservé des transposons qu'ils n'ont pas chez d'autres mammifères. Donc encore peut-être un puits d'innovation et de réaction. Merci beaucoup Zoonomia. On s'approche, on n'a pas fini d'entendre parler, on n'en est qu'au début. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment. Comment le numérique nous change? Michel Serres est mort il y a 4 ans, le 1er juin 2019. Dans l'un de ses derniers textes, il évoquait les figures de Blaise Pascal et de Leibniz pour rappeler que leurs travaux ont provoqué une bifurcation dans l'histoire des mathématiques. Bifurcation dont nous observons aujourd'hui l'accomplissement. Ils ont ouvert, écrit-il, une nouvelle voie qui a façonné un monde, le nôtre, dans lequel la pensée algorithmique l'emporte sur la pensée conceptuelle. Pour le meilleur et pour le pire. Fin de citation. Cette dernière remarque prouve que l'optimisme apparent de Michel Serres n'était nullement béat. D'abord enthousiasmé par les réseaux sociaux, il avait fini par percevoir qu'il présentait 3 grands risques. D'abord celui de diffuser des bobards et des fausses nouvelles. Ensuite celui de noyer les connaissances dans le flux des informations. Enfin celui d'engendrer et d'alimenter un business de la haine. Il avait conscience qu'avec le surgissement de cette lame de fond qu'est le numérique, toute notre organisation allait être changée, jusqu'à la façon de penser, de réfléchir, de distribuer notre attention, d'apprendre, de pratiquer les sciences, de travailler. La suite de l'histoire va donc crucialement dépendre de nous, disait-il, de ce que nous ferons, mais aussi de ce que nous ne ferons pas, ou de ce que nous ne ferons plus. En effet, toutes sortes de questions se posent aujourd'hui, auxquelles nous prenons rarement le temps de répondre. Allons-nous définitivement troquer ce qui nous fait réfléchir contre ce qui nous fait réagir? Et alors que déferlent le big data et l'intelligence artificielle, allons-nous continuer d'honorer la pensée spéculative, de formuler des hypothèses, d'inventer des concepts? La science serait-elle en passe de changer de visage? Se pourrait-il que les algorithmes détrônent nos cerveaux, voire les tordent? Deux livres récemment parus prennent ces questions à bras le corps, ou plutôt à bras le cerveau. Le premier, écrit par Alexei Greenbaum, s'intitule « Paroles de machine ». Aujourd'hui, en effet, les machines nous parlent, nous causent sans cesse en langage naturel, et il est devenu manifeste qu'elles influencent nos comportements et participent à l'avènement de ce que l'on pourrait appeler une informatique affective. Mais que devient la parole lorsqu'elle cesse d'être humaine? Lorsque, pour la première fois dans l'histoire, des intelligences artificielles qui ne comprennent rien au sens des mots ont des voix, prennent la parole, et de plus en plus nous la prennent. Lorsque des machines, par abus de langage, disent « je », ne deviennent-elles pas alors, se demande Alexei Greenbaum, l'équivalent technologique de ce qu'étaient autrefois les dieux, les oracles, les anges et les démons? Le second livre s'intitule « Schizophrénie numérique ». Il a été écrit par la philosophe Anna Lombert, qui part du constat qu'établissait déjà Paul Valéry en 1939 à propos de ce qu'il appelait le destin de l'esprit. L'exagération de tous les moyens de communication, écrivait-il, soumet les esprits à une agitation et une nervosité généralisées. Fin de citation. Ainsi vivons-nous sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences. Nos corps et nos esprits, continue Paul Valéry, doivent absorber sans un jour de repos autant de musique, de peinture, de drogue, de boissons bizarres, de déplacements, de brusques changements d'altitude, de température, d'anxiété politique et économique que toute l'humanité ensemble, au cours de 3 siècles, en pouvait absorber jadis. Fin de citation. Du fait de l'avènement du numérique, ce constat n'a fait que s'accentuer dans des proportions que Paul Valéry n'avait pas pu imaginer. Dès lors, pour Anna Lombert, la question n'est pas tant de savoir ce que les technologies numériques font, mais d'abord d'examiner ce qu'elles nous font. Elle n'est pas de savoir si les machines pourraient un jour devenir vraiment intelligentes, avoir de l'esprit ou acquérir une sorte de conscience, mais d'examiner ce qu'elles changent déjà à nos facultés de penser, à nos comportements, à notre psychisme, à nos relations aux autres. Courons-nous vers ce qu'elle appelle l'industrialisation des esprits et l'automatisation de l'altérité? En guise de mesure préventive, peut-être devrions-nous nous offrir régulièrement des cures d'ennui, c'est-à-dire des loisirs non chronométriques, pour parler comme Paul Valéry. Car parfois, en effet, l'ennui opère des prodiges dont aucun tumulte n'est capable, et il peut aller jusqu'à se muer en antichambre apaisée de l'imagination, de la réflexion, de l'inspiration. Alors pour conclure, je vous propose que nous méditions, lentement, cela va de soi, ces vers du même Paul Valéry. « Ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers ont des racines avides qui travaillent les déserts. » Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Mariam Ibrahim, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Lucas Finet. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.